Fait que, on va jaser de ça un peu. Il y a des gens qui ont commencé à remettre ça en question. On rejoint le chef du Parti conservateur, M. Adrien Pouliot. M. Pouliot, bon matin. Bon matin. Alors, d'abord, je sais que vous êtes pour aux conservateurs, comme beaucoup de gens. Vous êtes en faveur de l'exploitation des ressources naturelles au Québec. Alors, ceci étant dit, pourquoi avez-vous certaines craintes quant à l'exploration du potentiel sur l'île d'Anticosti? Ben, la première chose que vous avez mentionné tantôt, c'est pourquoi est-ce que les gros joueurs sont pas là? Le rôle de l'État là, dans le développement des ressources naturelles, d'après moi, c'est pas de se substituer au privé. Moi, je suis bien content que Mme Marois dise « OK, on y va », mais quand on dit « on y va », là, j'aimerais mieux qu'elle dise « OK, Shell, vas-y », tu sais, ou Total, ou Suncor, allez-y. Mais c'est pas ça qu'on a au Québec. Au Québec, on a créé un environnement fiscal, législatif, réglementaire, qui fait fuir le monde. Quand on regarde le sondage fait par le Fraser Institute sur les compagnies de pétrole et l'attractivité du Québec pour les compagnies de pétrole, on est passé depuis les quatre dernières années du 68e rang au 141e rang sur 157. Ah okay, bon, on est en bonne coupe. Non, mais on bat plein de pays, là. C'est pas super. Ouais, on partage la queue de peloton avec le Bangladesh, la Syrie, la Russie, l'Irak, l'Iran puis le Soudan, là. Alors, donc, c'est compte tenu des moratoires, de l'incertitude de la réglementation, les lois qui changent, ça fait trois fois, tu sais, les lois qui changent, l'approche du PQ qui est toujours anti-développement, anti-profit, anti-compagnie, ça explique pourquoi est-ce que le Québec est une des juridictions qui fait le plus peur ou qui intéresse le moins finalement les grandes entreprises de pétrole. Alors donc, on n'attire pas la Ligue nationale, on attire la Ligue Bantam, puis là, ben, c'est ça, on se ramasse avec des gens comme Morel et Prom, qui est un petit joueur, et dont le dirigeant, le Jean-François Hénin, a été condamné à $1 million d'amende à cause d'une affaire de fraude, puis une autre amende de $300,000 pour avoir diffusé des fausses informations au sujet de sa compagnie. Puis là, c'est tordant, les Investissements Québec, ils disent « Ah oui, mais on a fait les vérifications qui s'imposaient. Les compagnies dont il fait partie n'ont pas été condamnées aux criminels. » Ben là, tu sais. C'est le gars qui mène la compagnie qui est condamné. Tu sais, il aurait pu faire au moins une petite recherche Google. Oui. Il me semble, tu sais. Donc, la compagnie est clean, mais le gars qui dirige la compagnie a déjà été condamné pour fraude, c'est ce que je comprends. Exactement, oui. Et c'est avec eux qu'on va faire affaire parce qu'il n'y a pas un majeur qui s'en va là. Est-ce que le fait qu'il n'y a pas un majeur qui s'en va là, ça vous rappelle pas la Gaspésia que personne dans le privé ne voulait financer à part, finalement, le PQ et Bernard Landry? Ben, c'est très risqué, hein, ce truc-là, là. C'est un investissement à très haut risque. Moi, je pense que le fait de mettre 115 millions de notre argent, c'est sûr que pour eux autres, le gouvernement, quand on dépense l'argent des autres, on se fout de combien ça coûte. Ici, là, le risque est énorme. Là, c'est vraiment jouer au casino. On n'a pas encore vu une seule goutte de pétrole liquide à Anticosti. Mais François Legault, par exemple, dit que quand il y a des bonnes propositions comme celle-là, il faut avoir le goût du risque. Mais je comprends, c'est pas son argent. Alors, quand François Legault nous dit qu'on a besoin d'une charte des contribuables pour se protéger du gouvernement, en fait, on a besoin d'une charte des contribuables pour se protéger des gens comme François Legault qui vont vouloir jouer à l'auto-pétrole avec notre argent. L'argent, là, ça pousse pas dans les arbres. Hein. Ça, c'est un autre principe qu'on a au PCQ. Là. Je sais pas si vous êtes un peu d'accord avec moi, mais le gouvernement ne donne jamais que ce qu'il a pris ailleurs. Alors, le 115 millions, il l'a pris dans vos poches. Je comprends que c'est peut-être 35$, puis les cols rouges n'iront pas faire une démonstration sur la grande allée là, à cause de ça. Mais ça explique pourquoi on travaille pour le gouvernement pour payer nos taxes jusqu'au 22 juin, puis que la dette du secteur public est de 260 milliards, puis qu'on est les plus taxés en Amérique du Nord. Parce que le potentiel, mais Mme Marois dit qu'il y a peut-être 45 milliards à s'est payer une pleine page de pub partout. Là. Alors moi, 45 milliards d'argent, est-ce que vous croyez à ça, vous? Un instant, là. Moi, je suis pas un expert, je suis pas un géologue, là, mais d'après ce que je comprends, il va falloir faire à peu près 10 à 12 000 forages pour extraire toute cette ressource-là. Oui. À 10 millions de l'achat, 10 millions de forages, on parle de 120 milliards d'investissements pour quelque chose qui vaut peut-être 80. Alors, tu sais, parce que même s'il y a 46 milliards de barils, ce qu'on sait pas, ils sortiront pas toutes. Là. Tu peux en sortir peut-être 1%, 2% avec la technologie de la fracturation maximum. Alors, 1% de ça, c'est 4 milliards de barils. Là. C'est pas... Alors, on a l'impression, là, moi, j'en regardais Mme Marois, là, à cette conférence de presse-là, puis j'avais l'impression de voir quelqu'un qui est en faillite, qui s'en va s'acheter un billet de loterie, puis qui espère gagner pour rembourser sa dette. Ben, le pire, c'est que ce serait drôle si c'était pas la réalité. Ils ont demandé à plusieurs Québécois dans un sondage comment ils entendent planifier leur retraite. Et il y en a un certain bon pourcentage qui ont répondu avec la loterie. Hein. Ouais, c'est pas des farces, tous les partis. On en est là. La CAQ, le PLQ, le PQ, c'est tout bonnet blanc, bonnet, c'est toute la même affaire. Ils sont tous dirigistes, interventionnistes. Ça fait 40 ans qu'on change le chef, mais qu'on garde le même livre de recettes. Puis moi, je pense qu'il est temps de changer le livre de recettes. Parce que si on fait rien que changer le chef, ben ils vont encore avoir le même livre de recettes, puis on va encore avoir le même dirigisme économique qui détruit la richesse plutôt que de créer la richesse. Mais là, on va se retrouver, mais ça, c'est le problème, le manque de notions économiques. Moi, en fin de semaine, ce que j'ai retenu beaucoup sur les médias sociaux ou ailleurs dans les conversations, c'est soit le 45 milliards de barils ou le 80 milliards d'argent. Les gens avaient tous ça aux lèvres, puis là, tu leur demandais, oui, mais ça va coûter combien? Là, parce que pour aller chercher de l'argent, il faut en dépenser. Là. Puis si tu veux savoir si l'opération est rentable, la règle d'or dans le privé, c'est ça. Ça coûte combien? Ça va rapporter combien? Si ça te rapporte 80 milliards, ça t'en a coûté 120 milliards. Moi, je suis pas bon en maths, là. Mais ça, je comprends ça, moi. Mais on en a presque pas parlé de ça. Les gens ont... Jacques Parizeau avait dit la même affaire là au sujet de l'amiante. Là. On va devenir l'OPEP de l'amiante. Hein, c'était tout excité, là, puis finalement, on a perdu 338 millions là-dedans en dollars de 1979. La même affaire pour Sidbeck-Dosco, puis l'extraction du minerai de fer. On a perdu un milliard là-dedans. Steinberg, Provigo, Brascad, Québécois Média, la SGF, on a perdu en coût d'opportunité 7 milliards avec la SGF. Je veux dire, ça marche pas. Ça marchera pas plus celle-là que les autres. C'est une approche socialiste, dirigiste, interventionniste. On essaie de se substituer au marché privé, aux investisseurs privés, et puis ça marche pas. Comment la campagne électorale s'en vient, M. Pouliot? Je sais que vous allez présenter des candidats un peu partout. Ça a l'air que, bon, jeudi, budget de Marois, ça va être refusé par l'opposition, puis on s'en va en élection. Je pense que, pour jaser un peu avec les gens, puis tous les courriels que je reçois ici, notamment dans la région de Québec, où les dernières élections ont prouvé qu'il y avait un petit courant plus à droite, moi, je pense que vous pouvez faire des gains, il y a des gens sympathiques à vos idées. Sauf que, on n'est pas aux États-Unis ni en France. Si on était aux États-Unis, il y a deux partis, républicains, démocrates, gauche, droite, chacun vote pour qui il veut. En France, il y a plus qu'un parti, mais ils font des tours. Alors, rendu à la fin, au dernier tour, il reste point que deux candidats à la présidence, et là, ben, on peut se diviser droite-gauche. Ici, ça marche pas de même. Alors, il va y avoir vous, il va y avoir les caquistes, libéraux, Pauline. Si l'opposition se divise entre libéral, caquiste et vous êtes d'accord avec moi que ça fait le jeu de Pauline. Moi, je pense adopter une stratégie de anybody but Pauline. Je regarde lesquels qui a plus de chances de la renverser et je vote pour lui. Évidemment, cette stratégie-là est pas bonne pour vous. Convainquez-moi de pas faire ça, là. De pas dire, regarde, le seul parti, exemple, qui peut renverser Pauline, c'est libéral. C'est peut-être pas mon premier choix, mais plutôt que Pauline, go, je vote libéral. Mais quant à moi, comme je disais tantôt, je pense que au niveau économique, le PQ puis le PLQ puis la CAQ, là, ça s'équivaut. C'est sûr que le PQ en plus a la question nationale, ok, la question de la séparation du Québec. Mais moi, je pense pas là qu'il y a personne, même si le PQ est élu, là, je pense pas qu'il y a personne qui va se garrocher pour on n'aura pas un référendum. Puis même s'il y a un référendum, là, ils vont le perdre. Alors donc, pour moi, on s'en va dans le mur, que ce soit les péquistes ou les libéraux. Il faut pas oublier là qu'on a eu 10 ans de règne libéral et que la dette pendant ce temps-là a augmenté d'à peu près 40%, que les impôts ont augmenté, que la réglementation a augmenté. Tu sais, le plan Nord, là, c'était la même affaire. Là, on allait investir 80 milliards de dollars, dont 50 milliards de dollars qui étaient investis par la Société d'État Hydro-Québec. C'est toute la même approche, là. Alors, si vous prenez la stratégie anybody but Pauline, ben ouais. On va avoir le même résultat, là. C'est le même livre de recettes, on va avoir le même résultat. Moi, ce que je dis, c'est voter selon vos convictions. Mais à certains points, il y a assez de gens qui vont se dire, des cols rouges, des gens qui vont dire, ça n'a pas de bon sens, ça marche pas l'affaire, là. Puis c'est vrai que peut-être que Pauline va venir, va être réélu, peut-être que le PQ va être réélu, mais il faut donner une voix à l'Assemblée nationale, à des gens qui pensent, comme moi, qu'il y a trop d'État, que l'État est trop gros. Il faut avoir une voix. Je m'attends pas, là, je vais vous faire une grande révélation, là. Je m'attends pas à gagner les élections, cette fois-ci. OK? Mais là, l'objectif, c'est d'avoir une voix, qu'on élise un ou deux ou trois députés, pour qu'au moins on puisse exprimer nos idées à l'Assemblée nationale, qu'on puisse avoir la plateforme médiatique de la presse parlementaire pour expliquer nos idées. Et là, je pense qu'avec le temps, on va finir par convaincre les gens, un peu comme Mario Dumont a commencé tranquillement. Puis à certains points, en 2003, il y a eu plus de votes. Puis en 2007, il y a eu quand même 1,4 million de votes. Il y a beaucoup de gens là qui ont voté pour Mario Dumont en 2007, puis qui cherchent encore un parti du même genre. Là. L'insatisfaction des gens qui ont voté pour Mario Dumont en 2007, on n'est pas mieux aujourd'hui qu'on était en 2007. Là. Alors, ça prend une autre parti qui va apporter, qui va être un vrai parti de droite. On n'a pas ça. La CAQ, c'est un parti gauchiste. Monsieur Legault veut simplement... Lui, il pense qu'il peut mieux gérer le gros État que Pauline ou que Philippe, mais moi je dis non, c'est pas ça qu'il faut faire, il faut ratisser la taille de l'État. On va avoir l'occasion de s'en rejaser sûrement, apparemment qu'on est aux portes de la prochaine campagne. Monsieur Pouliot, merci beaucoup. Je vous remercie, au revoir. Bonne journée. Ouais, il faudrait cibler un ou deux comtés, là. Mettons que tu sens qu'à Québec, il y a un ou deux comtés où les conservateurs peuvent passer, là. T'sais, s'ils sont à 3% dans tous les sondages, arrêtez ça, là, c'est une perte de temps. S'ils sont à 15 ou à 20 ou tu sens qu'il y a une place qu'ils peuvent passer, moi j'haïrais pas ça. Qu'il y ait deux ou trois députés de cette gang-là pour donner ce message-là. Ailleurs, tu fais du anybody but Pauline. Ailleurs, mettons, tu regardes les comtés, là, partout ailleurs, tu votes pour lui qui a des chances de battre le péquiste. Là, si on se retrouve encore avec un gouvernement minoritaire, Sylvain, on a rien gagné, il s'est rien passé, là. Mais je sais, c'est pour ça qu'il faut pas. Mais là, tu me donnes des arguments. Mario. Mais oui, je sais, je te donne. Tu m'aides, merci, c'est une pause. Là. Tu viens de marquer dans ton but. Non, je pars pas dans ton but. Je suis d'accord Steve avec toi. Smith je sais. Sort je... de ce corps. Je le sais que t'as raison. Il faut pas diviser l'opposition. C'est ça que tu viens de me dire. On va encore avoir un gouvernement minoritaire. Ne faut pas diviser l'opposition. Faut faire anybody but Pauline. Sauf dans quelques petits comtés, peut-être, où on pourra. On verra bien 752.